Lipsy, tu sais, méfie-toi. This is some old crazy shit right here. The toss play, where the toss, where the toss play. Sous tous les aspects, sous tous les aspects. The toss play, where the toss, where the toss play. Sous tous les aspects, sous tous les aspects. The toss play, where the toss, where the toss play. Sous tous les aspects, sous tous les aspects. The toss play, where the toss, where the toss play. C'est à propos des tasques que le parano refrain ici vient donner. C'est quelques petits lyrics sexes et citron trace en effet d'une jeunesse bourrée à bloc d'histoire de fesses. Je suis sûr que ça t'intéresse, prends ça dans ta face et en caisse. C'est à l'âge de 13 ans, après d'innombrables lettres, prends que pour la première fois j'ai pu enfin tremper mon gland. C'était un jour en colonie, la cirasole. J'ai pesé la monitrice que sous la tente qui est comme une folle. Cette chienne m'a fait faire les meilleures activités. Trois mois comme un à moi, j'étais calé sur le sujet. Il y a 16 ans, c'est là que j'ai dû faire le plus de plans. Séchant les cours de temps en temps pour aller des draps en devant. Les meufs tournaient dans les caves ou dans les cages d'escalier. Et on passait tous sur et sans protection rapprochée. Cela m'a coûté cher, j'ai dû pécho la chute puis j'ai morflé. Et vite arrêter les aventures à trop au risque. À 18 ans me voilà majeur et plus que vacciné, recherchant en vain la bonne occasion pour me caser. Ah ouais, je l'ai trouvé la meuf impec, trop parfaite. Celle qui dans ma tête était de loin la plus nette. Seulement tout s'est barré en couille au bout de quelques mois. Elle m'a fichu la couille en disant qu'elle était enceinte de moi. Je l'ai batte ça. Elle ne m'a pas laissé le choix. À mon âge, être papa, ça m'intéressait pas. Aujourd'hui j'en ai 21 et j'en profite à max. Dès qu'il y a moyenne, nox, bonne et grosse tasse. Les gars qui m'entourent me demandent, et Pierre t'as pas en plan. Quand je dis non, c'est excellent, et quand je dis oui, c'est pas dans le vent. Mais qu'ils ne s'étonnent pas s'ils trouvent leur meuf en train de faire la teufée. Pour le VDR, c'est déjà clair, tout est Taspay, ouais les tasses, ouais les taspay. Sous tous les aspects, sous toutes les taspay. Les taspay, ouais les tasses, ouais les taspay. Sous tous les aspects, sous toutes les taspay. Les taspay. Ouais.